Et voilà, c'est terminé, c'est ainsi que cette semaine de revue de presse JV s'achève, enfin, pas tout à fait, bien sûr, puisque vous savez que pour les tipeurs, on se retrouve demain. D'ailleurs, j'aimerais vous remercier, merci à Laure, merci à David, merci à Luterian, merci à Nicolas, Yvan Le Pierrot, Mad Dragon, merci à Diane, merci à Grégory, merci à Batman, merci à Xnihili, Seb22, à Lao75, à Hazard, au Docteur Lacave, salut Kevin, à DomDom01, à Evolix, à Forza Pedro, à JP Madère, à Remix92, à Yugibir, Timaos, Denis, Jeep, Pipo Letsu, Emmanuel, Carnoct, Paga, Pizza Hunter, Monsieur A, Francois, Mopral, Lina Nounette, là vous voyez qu'il y a des noms aussi qui tombent, qui ont participé à la grande revue de presse JV1. D'ailleurs, je vous invite vivement à l'écouter. Bref, merci également à Cédric, à Kerlungus, à Space, Cowboy, à Gurigu, à Pikachux, à AHL9, à Nano, à HXC, Bal42, Machin Truc76, Mike, Fabien, Yvan et Melcoq. Merci à tous, merci pour votre aide, pour votre soutien qui me fait chaud au cœur et me donne la force chaque jour pour vous livrer votre podcast quotidien. Encore merci à vous. Je vous souhaite à vous et à tout le monde, vous auditeurs de tout pays, un excellent week-end, panache et robustesse. Et on se retrouve donc demain pour les tipeurs. Il y aura le retour des replays ce week-end, en tout cas dimanche, hein, pas mal de replays. Et puis on rattaque une nouvelle semaine lundi, bien sûr, comme d'habitude. Allez, gros bisous, bye bye.